dimanche prochain à 21h. Et pour tout l'été, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour son Afrique en solo. Quant à moi, je vous retrouve à la rentrée, à la même heure, pour une nouvelle saison d'Autant en emporte l'histoire. Mais avant, pendant tout l'été, je vous donne rendez-vous pour ma série Espion, une histoire vraie, tous les samedis à 13h15. Samedi prochain, on commencera avec l'espion soviétique Oleg Gordievsky, qui en pleine guerre froide, dans les années 70-80, travaillait comme agent double pour le camp de l'Ouest, au risque de sa vie. Espion, une histoire vraie, c'est samedi prochain à 13h15.